Apocalypse chapitre 22. Puis il me montra un fleuve pur d'eau vive, transparent comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de la place de la cité, et des deux côtés du fleuve, était l'arbre de vie, portant 12 fruits, et rendant son fruit chaque mois, et les feuilles de l'arbre sont pour la santé des gentils. Et toute chose maudite ne sera plus, mais le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle, et ses serviteurs le serviront. Et ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Et il n'y aura plus là de nuit, et il ne sera plus besoin de la lumière de la lampe, ni du soleil, car le Seigneur Dieu les éclaire, et ils régneront au siècle des siècles. Puis il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des saints prophètes, a envoyé son ange pour manifester à ses serviteurs, les choses qui doivent arriver bientôt. Voici, je viens bientôt, bienheureux est celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et moi, Jean, je suis celui qui ai ouï et vu ces choses, et après les avoir ouï et vues, je me jetai à terre pour me prosterner aux pieds de l'ange qui me montrait ces choses. Mais il me dit, garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service, et le compagnon de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Il me dit aussi, ne cachette point les paroles de la prophétie de ce livre, parce que le temps est proche. Que celui qui est injuste, soit injuste encore, et que celui qui est souillé, se souille encore, et que celui qui est juste, soit plus juste encore, et que celui qui est saint, soit sanctifié encore. Or, voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Bienheureux sont ceux qui font ces commandements, afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie, et qu'ils entrent par les portes dans la cité. Mais les chiens, les empoisonneurs, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et commet fausseté, seront laissés dehors. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous témoigner ces choses dans les églises. Je suis la racine et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui aussi qui l'entend, dise, viens. Et que celui qui a soif, vienne, et quiconque veut de l'eau vive, en prenne, sans qu'elle lui coûte rien. Or, je proteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, que si quelqu'un ajoute à ces choses, Dieu fera tomber sur lui les plaies écrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu lui enlèvera la part qu'il a dans le livre de vie, dans la sainte cité, et dans les choses qui sont écrites dans ce livre. Celui qui rend témoignage de ces choses, dit, certainement je viens bientôt, amen. Oui, Seigneur Jésus, viens. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Fin de la Bible David Martin 1855. Tous les textes bibliques contenus ici sont libres de droit. Vous pouvez les réutiliser, et les diffuser, sans mon autorisation. Vous pouvez lire, ou télécharger gratuitement une copie de la Bible David Martin 1855, sur le site web, de Desmond Doché, à, dieuenligne.com.